l'épouse du soleil revêt la robe nuptiale. Dans la demeure du soleil, chantent les mamakonas pour la centième fois, les arbres produisent des fruits lourds et lorsqu'ils sont mûrs, les branches fléchissent pour que l'Indien n'ait pas à se donner la peine de lever le bras pour les cueillir. Ne pleurez pas, vous vivrez éternellement, éternellement, éternellement. La mort vient frapper aux portes du palais terrestre et le génie du mal étend ses ailes maudites sur nos forêts, mais ne pleurez pas, car là-haut, auprès du soleil et de la lune qui est sa sœur et sa première femme légitime, et auprès de Charka qui est son page fidèle, vous vivrez éternellement, éternellement, éternellement. On mit sur les cheveux parfumés de Marie-Thérèse le borlard royal dont les franges lui tombaient jusque sur les yeux et lui donnaient déjà une sorte de beauté hiératique. Elle tressaillit quand on glissa sur ses membres nus la robe en peau de chauve-souris. Il lui sembla qu'elle entrait dans quelque chose de visqueux et de glacé et qu'elle appartenait dès ce moment à la nuit éternelle dont la chauve-souris est la coya. Puis on lui prit le poignet, on y glissa un anneau qu'elle regarda et qu'elle reconnut. C'était le bracelet soleil d'or. Alors elle comprit qu'à partir de cette heure commençait vraiment son agonie, et elle se rappela avec une amertume désespérée l'heure heureuse et terrible où ce bracelet lui était apparu pour la première fois, les plaisanteries dont ils avaient été l'objet, sa tante Agnès effrayée, la duègne Irène se signant, son père sceptique et Raymond amoureux. Où étaient-ils tous maintenant? Que ne venaient-ils les chercher? Qu'est-ce qu'ils attendaient? Il était temps, il était temps! Elle tendit les bras vers le salut providentiel qui ne vint pas, et elle les referma sur le petit Cristobal qu'on venait de lui apporter dans sa petite robe sinistre en peau d'oiseau nocturne. Quand elle le vit habillé comme elle, elle se lamenta sur cette innocente victime. Elle voulut parler aux gardiens du temple qui vinrent à elle en balançant leurs crânes immondes. Ah, c'était bien cela qui était sorti devant elle et devant Raymond, des bracasses funèbres qui avaient surgi de la tombe et qui allaient l'emporter. Il n'était revenu sur la terre que pour cela. C'était eux qui la guettaient derrière les vitres de son balcon. Quoi qu'elle en ait dit, la petite Concha, ce n'était pas cet esclave qui avait ramassé sur le sable de la mer le bracelet soleil d'or. C'était eux. C'était eux à qui elle appartenait déjà, à qui elle était promise, qui avaient reçu dans leur poing hideux le bracelet soleil d'or détaché de son bras. Et c'était eux qui le lui avaient rattaché, cet anneau plus redoutable que les chaînes dont on charge les condamnés à mort. Ah, si elle les reconnaissait! Voici la casquette crâne, et le crâne pain de sucre, et le crâne petite valise. S'ils pouvaient seulement arrêter leur balancement de pendule, elle leur parlerait, et ils comprendraient peut-être. Mais ils ne s'arrêtent pas, ils ne s'arrêtent pas. Alors elle leur dit, sans les regarder, car ce balancement perpétuel l'étourdit et pourrait l'endormir. Elle leur dit qu'elle est bien décidée à mourir correctement, comme doit mourir une épouse du soleil, mais à une condition, c'est qu'ils ne feront pas de mal au petit enfant, et qu'on le rapportera tout de suite sain et sauf à Lima. « Je ne veux pas quitter Marie-Thérèse, je ne veux pas quitter Marie-Thérèse !» Le petit a parlé, c'est le rite, dirent les gardiens en se regardant, et sans plus rien ajouter, ils s'en vont en se balançant, en se balançant. Marie-Thérèse pousse un sanglot de folle. Le petit Cristobal, pour calmer sa grande sœur, l'étreint à l'étouffer. « Ils vont venir, Marie-Thérèse, ne pleure pas, ils vont venir. Chut, écoute !» On entend, en effet, derrière les murs, une étrange musique, et presque aussitôt entre la théorie des joueurs de flûte. Ce sont de beaux hommes tristes qui s'assoient en rond autour de Marie-Thérèse et de l'enfant, et qui jouent de la flûte dans des os de mort. Ce sont des musiciens sacrés de la Kéna. Leur chant est plus triste qu'un des profondis. Rien qu'à l'entendre, une sueur glacée se répand sur les membres de Marie-Thérèse, dont le regard éperdu fait le tour de cette vaste salle, toute nue, qui est certainement l'antichambre de son tombeau. Des pierres cyclopéennes, monstrueuses, hexagonales, posées les unes sur les autres, sans ciment, sans autre attache que leur poids énorme, forment les murs de la maison du serpent. Les mamakonas lui ont dit « C'est la maison du serpent ». Elle en a entendu parler autrefois. Il y a deux maisons du serpent, l'une à Cajamarca, l'autre à Cusco. Elles sont appelées ainsi du serpent de pierre qui est sculpté au-dessus de la porte d'entrée. Ce serpent est là pour garder les enceintes sacrées. Il ne laisse jamais sortir les victimes destinées au soleil. La vieille tante Agnès et la duègne Irène savent cela, et elles ont appris cela à Marie-Thérèse qui avait bien ri de ce dernier détail. Marie-Thérèse est donc au Cusco, dans un palais bien connu des voyageurs, des étrangers en visite au Pérou, des historiens, des archéologues, enfin des hommes civilisés. Un palais qui se trouve en plein Cusco, et dans lequel chacun peut entrer, d'où chacun peut sortir, que les maîtres d'auberge font visiter à leurs clients de passage. Alors, quoi? Qu'est-ce qu'elle craint? Que signifie cette comédie? On va venir. Pourquoi ne vient-on pas? Par où va-t-on venir? Ah, elle a entendu du bruit, des murmures. Oui, par-delà les chants funèbres des flûtes d'os de mort, on entend comme une foule qui vient. Là, derrière le vaste rideau, le large rideau jaune d'or qui est tiré d'un bout à l'autre de la salle dans sa grande largeur et qui l'empêche de voir ce qui se passe. Pourquoi ces rumeurs, ces chuchotements, cet innombrable remuement de pieds? Elle questionne les deux mamaconas qui doivent mourir avec elle et qui sont étendues à ses pieds dans leurs longs voiles noirs. Celles-ci répondent avec respect et amitié que l'on se prépare à adorer le roi Oanacapac qui doit venir la chercher pour la conduire à Atahualpa. Marie-Thérèse ne comprend pas. Ce roi est mort depuis très longtemps. Comment veut-on qu'il vienne? On ne sait même pas où il est. Elle lui répond qu'on sait parfaitement où il est. Il est au fond de la nuit, et il va venir du fond de la nuit, et il les emportera tous les trois. Et elles traverseront la nuit, elles, avec leur robe de deuil. Marie-Thérèse avec sa robe de peau d'oiseau de nuit, et elles arriveront dans les demeures enchantées du soleil. Alors elles seront habillées tout en or, avec des robes d'or et des bijoux d'or, pour éternellement. « Et le petit garçon ?» demanda Marie-Thérèse. « Que va-t-on faire du petit garçon ?» Horreur. Elle détourne la tête et ne répond point. Marie-Thérèse serre encore davantage le petit garçon et le couvre de baisers, comme si elle voulait l'étouffer elle-même, comme si elle voulait le faire mourir elle-même sous ses baisers. Et l'enfant Cristobal lui dit encore « Ne pleure pas, ma grande petite sœur, ce n'est pas ce vilain roi qui va venir, mais papa et Raymond, ne pleure pas !» Et il lui rend ses baisers. Sur l'une des grandes pierres, il y a des signes mystérieux que les mamaconas regardent à chaque instant, et que les joueurs des flûtes d'os de mort se montrent en soufflant plus fort leur des profondices. Ce sont des sculptures étranges qui représentent des oiseaux à tête d'homme et à corps de coracanque. Le coracanque est un oiseau incaïque dont Marie-Thérèse a déjà vu l'image dans les musées de Lima. Elle sait que, de tout temps et sur toute la terre, il n'a existé à la fois qu'un seul couple de ces oiseaux qui apparaissent dans la montagne au moment de l'investiture d'un nouveau roi, auquel ils donnent deux de leurs plumes pour orner sa chevelure. Ceux-là sont en pierre et font partie de la pierre. Pourquoi les regarde-t-on ainsi? Mais le bruit derrière le rideau a cessé, et les joueurs de flûte d'os de mort font entendre un modulement tout à coup si strident que les oreilles en sont comme percées. Le petit a peur et s'appuie davantage au sein de Marie-Thérèse. Et tout à coup le rideau glisse, et l'on voit toute la salle.